Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Dans la nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre, pour entrer dans le dialogue si vous le souhaitez, le téléphone 01 56 56 44 00. Plusieurs invités ce soir, tous membres des Montées de Jérusalem. Nicole Petrisenko et Yves Garaudot, tous deux en studio. Et au téléphone, au cours de la soirée, Laetitia et François. Nicole Petrisenko, bonsoir. Bonsoir Chantal. Et bonsoir Yves Garaudot. Bonsoir Chantal. Alors à travers votre témoignage ce soir, nous allons découvrir, ou mieux connaître, hein, certains connaissent quand même, les Montées de Jérusalem. Mais pour comprendre ce que sont les montées et comment elles ont évolué, il est nécessaire de connaître comment elles sont nées, quand, comment et où. Leur genèse, en quelque sorte, qui est très importante. Alors, qu'est-ce qui va nous en parler, Yves ou bien Nicole? Yves. Je vais bien commencer. Donc, en fait, tout a commencé à Strasbourg 82 lors d'un grand rassemblement charismatique œcuménique européen. Ce rassemblement comprenait des chrétiens de toutes confessions. Par exemple, le pentecôtiste David Duplessis, et puis aussi qui avait été invité au Vatican, David Duplessis. Oui, c'est pour ça. Qui était pour le Concile Vatican II. Oui, il avait été témoin. Témoin, voilà, c'est ça. Et je mentionne là déjà deux jeunes juifs messianiques, puisque on va en reparler tout à l'heure. Parmi les organisateurs, le pasteur Thomas Roberts, donc âgé de 80 ans, et lors de ce rassemblement, qui était un magnifique rassemblement dans le stade de la Meneaux à Strasbourg, et qui était pour nous, mon épouse Martine et moi-même, un moment important, puisque nous vivions un grand moment de louange et de bénédiction, dans une grande foule. Vous imaginez un stade plein à craquer, avec des passages de louanges extraordinaires, des enseignements très très forts. Et voilà que, au moment de ces, pendant un enseignement, notre pasteur Thomas Roberts, à la fin de l'enseignement, nous a dit avec son humour gallois: j'ai un secret à partager avec vous. Et il a appelé au micro les deux jeunes juifs messianiques dont je vous parlais, Ruben et Benjamin Berger, et leur a demandé de chanter un psaume en hébreu. Et il faut dire qu'à ce moment-là, à la fin du chant de la psalmodie de ce psaume, il y a eu une véritable onction sur toute la foule présente, et je crois qu'on a tous, plus ou moins, senti qu'il se passait quelque chose de très important. Et donc, le pasteur a dit: l'année prochaine à Jérusalem. Mmh. Voilà. Alors peut-être, avant de continuer, pour préciser avec nos auditeurs, vous parliez de juifs messianiques, certains ne savent peut-être pas qui sont les juifs messianiques, donc vous pouvez peut-être expliquer de quoi il s'agit. Oui, alors les juifs messianiques, en fait, ce sont des juifs de la synagogue qui croient en Jésus le Messie. Donc en fait, pour être précis, il faut parler de juifs croyants en Jésus. Et pour être complètement précis, il faut dire en Jésus Yeshua, puisque les juifs croyant en Jésus l'appellent Yeshua. On pourra en parler, c'est juste pour préciser. Hein. Après, on pourra en reparler. Là, on va continuer peut-être l'histoire. D'accord. Donc l'année prochaine, à Jérusalem, hein, on en était là, mais c'était un aparté pour voilà. Précision. L'année prochaine à Jérusalem, et donc en fait, plusieurs responsables présents confirment cette vision, on pourrait dire, donc composent une équipe œcuménique internationale, écrit un manifeste invitant les membres des églises chrétiennes à se réunir à Jérusalem pour hâter notre chemin de réconciliation. Un grand rassemblement est envisagé, mais le pasteur et son équipe ne souhaitent pas que ces montées aient lieu sans l'autorisation des églises locales. Et c'est la raison pour laquelle, alors que, si on peut dire, le message de départ s'est produit à Strasbourg 82, la première montée n'a eu lieu qu'en 84, quand, après le passage de Thomas et de personnes de son équipe, des membres des églises de là-bas ont accepté notre venue. Il fallait que là-bas aussi, forcément, c'était tout neuf. Voilà. Donc il fallait que là-bas aussi, on accepte. Voilà, bien sûr. Que ce soit accepté. Et donc, la première montée devient une réalité concrète en 1984, avec plus de 700 participants de 40 nationalités différentes. Donc je pense que là, je vais demander à Nicole, qui a participé à cette montée, de nous en donner quelques fruits. Donc voilà. Cette montée 84 qui était la première. Hein. Alors 84, moi je me souviens que nous étions donc très nombreux et nous logions à la maison d'Abraham qui appartient au Secours catholique. Et là, on s'était installé et la Pentecôte s'était organisée pour la Pentecôte. Et le samedi de Pentecôte, on nous avait réunis pour prier, passer la nuit. Mais il y avait beaucoup de découragement, les gens ne comprenaient pas. Et le lendemain matin, on nous a réunis pour nous rendre dans toutes les églises. Alors imaginez 700 personnes qui se réunissent qui se groupent par 4, de 4 à 10 à peu près et qui vont dans toutes les églises de Jérusalem, de la ville de Jérusalem, quelquefois un peu en dehors d'ailleurs. Et là, ils assistent aux offices et à la fin de l'office, ils invitent à la fois prêtres et fidèles à venir se retrouver l'après-midi même au jardin d'Abraham. Et dans ce jardin, donc nous sommes retrouvés 1000 environ, avec toutes ces personnes qui ont été ajoutées, et quelquefois, des églises qui ne se parlaient pas se sont retrouvées côte à côte. Mmh. Et c'était le miracle, premier miracle. Le lendemain, lundi, donc ça c'était le jour de Pentecôte, le lendemain, après un enseignement assez puissant, il y a eu une demande de réconciliation et on a vu tous les participants se laver les pieds les uns les autres. Alors là, il y avait des bassines qui étaient proches, hein, et alors les bassines étaient là, et alors un juif et un arabe s'agenouillaient et se demandaient, sans même se connaître, et se demandaient pardon, ne serait-ce que par la situation, ne serait-ce que parce qu'ils portaient en eux-mêmes, entre protestants et catholiques, et puis bien d'autres confessions. Voilà. L'après-midi, ça c'était le matin, et l'après-midi, il y avait un micro, et ce sont des communautés entières qui sont venues demander pardon. C'était un spectacle magnifique. Magnifique. Voilà, si vous voulez, c'est quand même il y a 32 ans, mais j'ai toujours ça présent à l'esprit. Voilà. Alors oui, parce que ces communautés, parce qu'il y a des chrétiens donc arabes de très, voilà, il y a des Syriens, des, je ne sais pas, des toutes sortes, des Coptes, enfin je ne sais pas. Voilà, oui, toutes les églises toutes étaient les là, donc elles très nombreuses. Mais alors là, le lundi matin, c'était peut-être entre nous quand même. Oui, oui. Mais là, il s'agissait du dimanche après-midi. Après-midi. Du dimanche après-midi. On ouvrait vers. Oui, parce les... que ce qu'il faut bien préciser, c'est que les églises que nous visitons sont sont des Arabes chrétiens essentiellement. Oui, oui, c'est ça. Oui. Quelquefois syriaques, mais qui parlent arabe, ou bien sûr, ils sont peut-être d'autres ethnies, mais ils sont tous, ils parlent arabe dans l'ensemble. Bien sûr, les églises reçoivent les fidèles dans la langue arabe. Donc voilà, alors c'était cette première montée. Cette première montée, et alors 43 pays différents, il y avait donc des gens de tout, quelquefois un seul représentant, mais tous les participants, tous les pays étaient représentés. Alors c'est comment, très important. Oui, comment ça a pu se faire, puisque depuis Strasbourg, voilà. C'était européen, mais enfin, ce rassemblement... Mais... Thomas Robert, c'était quelqu'un qui visitait beaucoup le monde et il avait des amis un peu partout. Et donc, c'est lui qui, personnellement, avait donné rendez-vous dans ce lieu. Et donc, ça aurait dû avoir lieu en 83, mais il est décédé... Voilà, en décembre 83, ouais. D'ailleurs, la montée a failli ne pas exister parce qu'il est décédé décembre 83. Et alors, qu'est-ce qu'on devait faire, étant donné qu'il était une personne très importante dans l'organisation. Mais il a fallu rattraper l'affaire. Et là, je pense à Michel Thérolongis et à Marie-David Toussaint, qui ont été des chevilles ouvrières très importantes. Alors lui, il a œuvré d'en haut. Donc il était dans le chef d'orchestre. Voilà. Donc le Seigneur avait un plan très précis. Vu d'ici, c'était évidemment une perte, mais... Pour le ciel, il organisait tout cela comme un chef d'orchestre en haut. Alors, donc, vous n'étiez pas à cette première montée. En 84, non. Non, vous avez... Alors, 84, il y en a eu une quand, après ? Après 85, 86, 87, étant donné que là, ils étaient 784, c'était quand même assez lourd. Et donc, après 400 et 200, les chiffres ont un peu diminué quand même. Parce que c'était plus facile d'organisation. Oui, oui, oui, bien sûr. Et actuellement, nous sommes un peu moins nombreux. Voilà. Donc, vous avez participé à quel... Alors, on a participé à 87, 95, et moi, j'ai participé à celle de 2015. Je pense qu'il faudrait peut-être repréciser que à cette montée visible en Israël est associée une communion, une communion de prière pour l'unité des chrétiens. Il y en avait qui étaient sur le terrain, d'autres qui priaient sans être là-bas. Oui. Et en fait, parce que ce pasteur Thomas Roberts était un proche de Louis Dallière, qui était un pasteur, et qui était de la famille spirituelle de l'union de prière de Charmes. Donc, on ne va pas être trop long, mais c'est une communauté de l'espérance vivant en paix avec l'Église réformée et les autres églises. Cette communauté a adopté une charte dont les quatre intentions de prière permanentes sont encore d'actualité. Oui, c'est-à-dire. À savoir le réveil de toutes les églises historiques, occidentales ou orientales, par la conversion personnelle des chrétiens à Jésus-Christ. Je crois que c'est important. Réveil porté par l'intercession pour l'évangélisation et les missions. Ça, c'est la première intention. La deuxième intention... qui va nous retenir, je pense, à la fin de notre interview. Dieu n'a pas rejeté Israël. Bien sûr. Épître aux Romains, chapitre 11. Et c'est la prière pour l'illumination du peuple juif, prophétiquement annoncée par les Écritures. Juifs et gentils étant réconciliés sur le rocher du Christ. Et je crois que c'est vraiment une intention de prière qui est toujours aussi importante. Troisième intention... Unité visible de l'Église. L'intention de prière pour le peuple d'Israël et celle qui concerne l'unité de l'Église sont liées par une nécessité profonde. Et l'unité des chrétiens conditionne la véracité de l'évangélisation. Et effectivement, c'est très très lié dans la mesure où Par exemple, ces Juifs croyant en Jésus ne rejoignent très peu les églises historiques. Et je crois ne pas faire de contresens en disant que c'est principalement à cause de nos divisions. Et parce qu'ils ne savent pas où aller finalement. Ils ne savent pas où aller et ils ne reconnaissent pas dans nos divisions l'image de Jésus. Et peut-être que là, je peux faire une toute petite digression personnelle. Je crois que c'est cet aspect-là qui m'a le plus touché, à savoir, dans ma propre expérience spirituelle, la division entre les chrétiens m'a longtemps freiné dans mon engagement spirituel complet. Parce que je me disais, comment peut-on suivre Jésus, qui a parlé d'unité, y compris et surtout sur la croix, qu'il a demandé à son Père, et être aussi divisé. Voilà. Le chemin de l'œcuménisme se fait petit à petit. Il y a quand même beaucoup de progrès de fait aujourd'hui. Tout à fait. Non seulement pour la semaine de l'unité qui symbolise chaque année cette réconciliation du corps du Christ tout entier, mais tout au long de l'année, de façon plus informelle, il y a des groupes aussi qui travaillent toujours. Il y a le groupe des Dombes aussi qui a travaillé sur le plan théologique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font sans être visibles, sans une visibilité toujours très grande du public. Alors, voilà, on va peut-être tout de suite écouter l'un des chants que vous nous avez apporté, que Laetitia a préparé. Et le premier, c'est Corinne Lafitte, je crois qu'elle est protestante. Corinne Lafitte. Protestante. Et donc chanteuse. Et le titre A, qu'il est doux, c'est le psaume qu'il est doux pour des frères. Voilà, de demeurer ensemble. Radio Notre-Dame. Do Voilà, c'était Corinne Lafitte, à qui les doux pour des frères de demeurer ensemble. C'était, et c'est le cas hein, pour ces montées de Jérusalem. Alors je crois justement, Yves Garaudot, vous avez un témoignage en ce sens qui confirme cela, de tout un progrès, on peut dire, dans oui. la réconciliation. Oui, et en fait, la possibilité pour des frères de confessions différentes de partager une profonde amitié est un témoignage que c'est possible et c'est reçu comme tel par les gens qu'on visite. Et l'un de nous racontait l'histoire suivante. Un protestant et un catholique s'approchaient du Kotel, donc c'est le mur occidental ou le mur des Lamentations, qui est un haut lieu de prière pour les juifs, et étaient comme deux amis, ils se tenaient par le bras, ils étaient contents d'être ensemble, et un juif de la synagogue s'est approché d'eux en disant « Mais vous avez l'air bien content d'être là, etc. Vous êtes de la même religion ?»« Non, non, lui il est catholique, et moi je suis protestant. Mmh. »« Ah bon, et vous entendez vraiment ?»« Oui, oui, on est comme des frères. » Alors le juif a dit « Eh bien... » Le Messie va venir. Voilà, donc ça veut dire que cette réconciliation qui se fait progressivement et qui est bien avancée de des confessions différentes, hein, protestants, catholiques, orthodoxes, anglicans, enfin l'œcuménisme, hein, ce qu'on appelle œcuménisme, c'est une des pierres importantes. C'est le corps du Christ, hein, doit être unifié pour que c'est ce que Jésus a demandé hein, dans Jean 17, hein, la prière sacerdotale. Père qu'il soit, il a prié pour cela, Père qu'il soit un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Hein, c'est donc cette réconciliation entre chrétiens, donc l'œcuménisme est très important pour la suite aussi. Et donc, ces rassemblements suivants, comment se sont-ils passés? Puisque il y a eu des évolutions. Vous avez participé à plusieurs, Nicole, à beaucoup. J'ai pris, hein. J'ai beaucoup, oui, oui. Vous êtes engagée. Des grandes joies, toutefois. Donc beaucoup de souvenirs, beaucoup de témoignages. Des souvenirs, mais bon, ça se mélange un peu parce qu'il y en avait beaucoup. Bah, tellement, ouais. Oui. Il y en a beaucoup. Mais alors donc, nous étions 200 à peu près encore en 89. Et après, on s'est retrouvés à une cinquantaine. Mais c'était beaucoup plus facile pour aller d'une église à l'autre. C'était quand même une organisation plus simple. Plus souple, oui, c'est plus ça. Plus souple. Et qui permettait peut-être plus de visites. Mmh. Et donc, nous avons eu pendant tout ce temps des rencontres très, très, très, très riches. À la Pentecôte, c'était ? Alors, toujours à la Pentecôte. Oui. Alors, quelquefois, un petit peu en dehors, parce que nous allons ou à la Pentecôte orthodoxe ou à la Pentecôte catholique. Bah oui, c'est ça. Alors, évidemment, comme elles ne sont pas ensemble la plupart du temps, ou quelquefois, justement, c'est une grande joie de pouvoir fêter ensemble la Pentecôte. C'est des signes, là, aussi, que ça avance. À propos des orthodoxes, je pourrais dire que je suis dans la grande joie de savoir que le pape François a rencontré le patriarche Cyril. Ah oui, de Russie. C'est oui. quelque chose que j'attends depuis 60 ans. Et donc, je pourrais dire ah, que, bah étant oui. donné que je suis mariée à un orthodoxe, oui. et que je suis moi-même catholique, donc c'était une grande joie et ça rentre tout à fait dans la mission des montées de Jérusalem. Mais oui. Il nous montre le chemin. Et on voit par ces petits signes que tout avance, progresse. Tout avance, hein. tout oui, avance. Oui, oui, oui. Il est lui-même allé voir les pentecôtistes. Hein, il a cet appel. Et en allant voir le patriarche, il a dit que l'œcuménisme était prioritaire. Ah oui. Ah oui. Oui. Oui, bien sûr, c'est prioritaire. On ne peut pas mettre... Il faut mettre d'abord une unité à l'intérieur des différentes confessions. Les différentes confessions. Hein, qui se fassent pour pouvoir aller plus loin. Ensuite, donc, ces petits groupes, alors, comment ça se passe? Vous allez... Alors, en fait, nous sommes... Le groupe monte à Jérusalem au mois de juin, mais il y a d'abord une équipe qui va au mois de mars pour préparer, pour savoir un peu les manifestations que nous allons pouvoir faire. Mmh. Étant donné que là-bas, nous réunissons des chrétiens de différentes confessions dans des rassemblements avec quelques responsables. Et il faut donc avoir pris déjà avant des points contacts. De repère, des rencontres. Contacts. Enfin, des contacts, oui. Mais à Lorient, il faut toujours revenir. Et alors, en général, il faut également revenir un petit peu avant la montée pour pouvoir confirmer que c'était bien organisé. Nous sommes confrontés à des pratiques culture, un oui. peu différentes. Ben oui, c'est ça. Voilà. C'est plus... un peu différentes, mais ça se passe très bien. Et en général, au mois de mars, on visite les autorités, les patriarches ou les responsables d'église. Oui. Les responsables d'église. Parce qu'on a une amie qui connaît absolument toutes les églises. C'est une Suisse et vraiment, c'est une joie de pouvoir compter sur elle parce qu'elle connaît tout par cœur. Et est-ce que certains vont, vous dites, pour préparer un certain temps et régulièrement, presque tous les ans. Oui. Alors tous les ans, on va en général au mois de mars pour préparer cette montée. Et une semaine avant la montée pour le... Alors là, il y a 400 personnes, pas plus. Mmh. Et alors donc, là-bas, vous avez au fil du temps des contacts. Absolument. Des contacts, des amitiés nous même. Nous avons beaucoup beaucoup nous connaissent maintenant et nous participent pas obligatoirement. Mais... nous allons actuellement avec des partenaires. Nous avons une communauté bénédictine à Bethléem. Nous avons deux juifs messianiques à Jérusalem. Nous avons une communauté écuménique à Nazareth et un évangélique en Galilée. Et alors, ces gens sont ceux sur qui nous comptons pour faire des réunions. Bien souvent, c'est eux qui organisent, qui ont déjà appelé les fidèles pour venir aux réunions. Et donc, ce sont des facilitateurs. Et comment vous avez été reçus les premières fois, surtout après, il y a eu par ces communautés qui vous ont vu arriver un peu partout. L'accueil a été relativement bon parce qu'il s'était passé de belles choses. Il y avait quand même presque des miracles qui s'étaient passés. Au départ, on était reçus par à Jérusalem, par exemple, on était reçus dans des familles. Oui. Et c'était intéressant parce qu'il nous était demandé le dimanche de participer à la liturgie de la confession de la famille dans laquelle nous étions. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on avait participé à une liturgie arménienne catholique. Et donc, ces gens savaient pourquoi nous venions. Et nous accueillait très fraternellement. D'accord, oui. Et bon, au fil du temps, maintenant... Voilà. La première intifada, on a été obligés d'arrêter, parce qu'évidemment, on laissait les gens véhiculer très tard le soir. C'était plus possible. Les conditions n'étaient plus favorables. Oui. Donc, mais ça a été un moment très, très, très, très riche. Contact. Oui, parce qu'il faut bien penser que... Évidemment, on est là-bas en fonction des situations politiques et quelquefois, c'est un peu plus difficile à rencontrer les chrétiens. Oui, oui. Est-ce que vous avez quand même beaucoup de beaux témoignages, alors il faut qu'ils remontent. Est-ce que vous pouvez nous en partager là quelques-uns, quelques témoignages déjà, puis pour émailler un peu, voir un peu le vécu de ces montées, de ces rencontres. Dans les temps derniers, nous avons un franciscain qui nous a préparé... Oui, on a aussi un franciscain, je n'ai pas cité, qui nous a préparé une réunion dans une chapelle du Saint-Sépulcre. Ça, c'était vraiment... Quand on pense que le Saint-Sépulcre est un lieu de division, que ça fait quelquefois le tour du monde... Eh bien, nous avons pu, dans une chapelle attenante qui appartient aux franciscains, réunir à la fois des Arméniens, des Éthiopiens, des évangéliques, des luthériens, des réformés. Et avec quelques chrétiens, des chrétiens de la ville, nous étions une centaine pour prier dans ce sépulcre, de ce saint sépulcre, pour la division, pour la réconciliation. Et c'était un temps vraiment très très chaleureux, très très riche, très très riche, parce que déjà cette amie évangélique qui était venue n'est pas toujours accepté dans d'autres endroits, et là nous étions en communauté, en communion. Parce que c'est toutes ces églises très différentes au quotidien n'ont pas de contact. Enfin, chacun vit. Elles avaient un certain nombre d'églises qui maintenant ont des contacts. D'ailleurs, peut-être principalement quand on vient les visiter, n'en avaient pas du tout avant. Ça, c'est clair. Donc, Pour lesquels on pourrait remercier le Seigneur, parce que c'est lui qui a fait tout cela. Effectivement, il y a maintenant cette année, on a été reçu par la communauté d'Issa. Des évangéliques à Bethléem. Voilà. Et qui, lui, a pu nous suivre à plusieurs endroits après, alors qu'autrefois, c'était un peu difficile. Il est accueilli et vraiment, je pense qu'il est mieux accepté. Qu'il est mieux. Voilà. Donc, vous êtes un peu votre rôle. Comment vous pourriez définir le rôle que jouent les Montées de Jérusalem Eh bien, notre but, c'est justement de faire ces rassemblements. Donc, à Bethléem, bien souvent, chez les bénédictines, nous arrivons à réunir des chrétiens. C'est un lieu un peu difficile parce que les gens sortent assez peu. Mais nous avons l'occasion de réunir des chrétiens dans ce monastère. Et ce monastère qui est lui-même à cette vocation pour l'unité des chrétiens. Alors vous êtes comme un trait d'union par rapport à ces communautés. C'est notre passage qui fait que ces réunions ont lieu. Oui. Parce qu'en dehors de cela, c'est rare. C'est très rare. Il faut un tiers pour justement, vous jouez un peu ce rôle venant de d'ailleurs, on peut dire. Oui, de pont. On pourrait dire qu'on joue un rôle de pont. Mais je pense que ce rôle de pont est vraiment rendu possible par la prière, puisqu'en fait, il faut bien mentionner que tout s'articule autour de la prière. Ça c'est le... Alors, il y a ces montées de Jérusalem qui sont la vision, la partie visible de la démarche, mais il y a toute une communion de prière qui se produit toute l'année. Et là, toute l'année, on est en relation les uns avec les autres dans la prière. Et au niveau français, mais qui peut être partagé avec les autres, c'est-à-dire des Belges et des Suisses, on a deux week-ends par an pendant lesquels on est dans la louange, dans un petit peu d'enseignement, mais surtout dans l'attente et l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que sont prises les options année après année. C'est-à-dire qu'au fond, si vous voulez, on n'a pas ce qui se passe année après année n'est pas gravé sur sur marbre. Oui, c'est à chaque année repris par l'écoute du Seigneur, de l'esprit, dans sa parole, par sa parole et par des images, puisqu'il y a quand même un aspect charismatique, des images qui sont importantes. Et par exemple, je vous donne comme exemple que la préparation de la montée 2015, qui s'est donc produite il y a très peu de temps, l'option choisie, c'était à la suite de paroles qu'on avait reçues dans la prière et qui étaient « Dansez, faites des farandoles autour des puits, réjouissez-vous autour des puits. L'eau est jubilation pour le peuple qui est altéré. L'eau est délivrance pour le peuple qui a soif. Réjouissez-vous, car vous pouvez ensemble vous désaltérer à l'eau fraîche du puits. Je vous le dis, réjouissez-vous. » Et donc, à la suite de cette parole, tout s'est articulé par ce qu'on pourrait dire des puits successifs. Donc, il y a eu un puits, la communauté dont j'avais oublié le nom tout à l'heure, chez Issa et Diana, à Bethléem, c'est House of Bread, donc la maison du pain, qu'on a considéré comme un puits, puisqu'on a vraiment vécu un moment de prière important, avec un partage, avec la communauté, une petite communauté, un bel, des beaux enseignements des enfants. Enfin, beau, c'était très beau. Et on sait combien l'importance dans la Bible, beaucoup de choses se font autour du puits, hein, les rencontres. Oui, voilà. Ensuite, oui. Alors après, nous avons eu, mais là, je pense que Nicole va y revenir tout à l'heure, un autre puits, c'était le puits luthérien. C'était donc à l'église luthérienne du Rédempteur. Bon, c'était assez organisé, mais là, on va y revenir tout à l'heure. À Nazareth, on était dans un centre pour enfants handicapés, bon, qui était en vacances, donc c'était pas, on ne les a pas spécialement vus, mais unis par la parole de Dieu autour d'un puits. Mmh. Et donc là, on a vécu quelque chose d'important aussi, très festif, avec l'orchestre, si on peut dire, qui était composé de juifs croyants en Jésus, une communauté juive messianique, et de nos amis de New Life, qui sont arabes chrétiens, et qui donc étaient passés, on avait passé de leur musique, je crois, quand vous étiez venu, on était venu il y a 4 ans. Et il y en a là encore. Voilà, ouais. Alors peut-être, il y a d'autres, non? Ben, alors, on va poursuivre peut-être après, peut-être un mot encore. Oui, alors après, donc c'est surtout des communautés juives messianiques, Kfar Yassif et les Nazareth Illite, une communauté juive messianique alors, également. Alors on va écouter justement le New Life, la communauté New Life, et c'est un chant méditatif, arabe, anglais, français, hébreu, par la communauté chrétienne arabe œcuménique de Nazareth, voilà. Pour tout dire. Radio Notre-Dame. Thank you. Sur ce chant que nous laissons courir en fond, que nous allons accueillir Laetitia qui est au bout du fil. Laetitia, bonsoir. Laetitia ? Voilà, Laetitia. Allô, bonsoir. Voilà. Bonsoir, Laetitia. Bonsoir, Laetitia. Bonsoir, Laetitia. Alors, c'est magnifique ces chants que vous nous avez choisis, Laetitia. Hein ? Oui, ça reflète un peu l'église. Orientale, ouais, l'église du monde. Ouais, avec des accents très Israël, hein, on sent... Et Palestine aussi. Palestine. Là, c'est un groupe d'arabes chrétiens d'origine palestinienne. Alors, vous-même, comment vous avez connu les montées de Jérusalem et puis pourquoi votre engagement en ce sens, Laetitia ? Alors, j'ai eu la chance de vivre la semaine de l'unité des chrétiens à Jérusalem. Ah oui, oui. En quelle année ? Alors, c'était en 2006. 2006, et oui. À cette occasion, j'ai rencontré beaucoup de responsables d'églises différentes. Oui. Et en fait, au départ, pour moi, je trouvais que c'était un événement assez agréable. Oui. Mm-hmm. Assez agréable et ensuite, j'ai réalisé que j'avais besoin d'une conversion. Ah oui. Une conversion intérieure. Oui. Je ne ressentais pas forcément le besoin de prier pour l'unité des chrétiens. Ah oui. Je trouvais que c'était aux autres églises de rejoindre mon église. D'accord. Ouais. J'étais dans une attitude attentiste. Oui, d'accord. Et j'ai été touchée par une prière de la communauté du chemin neuf. Oui. Je vais vous la lire, une prière pour l'unité. Oui. Seigneur Jésus, qui a prié pour que tous soient un, oui, nous te prions pour l'unité des chrétiens telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. Que ton esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation, de voir notre péché et d'espérer au-delà de toute espérance. Amen. Amen. Oui, je comprends que cette prière, ça vous a retourné, hein, parce que c'est vraiment cette prière pour l'unité qu'elle se fera comme le Seigneur. C'est lui qui la fera, l'unité. Et c'est aussi ce qui m'a touchée, en fait, c'est que ton esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation. Ouais, la souffrance de la séparation, oui. Je trouve qu'on ne réalise pas que le Christ, aujourd'hui, dans son cœur, souffre de nous voir divisés. Dieu, comme un père de famille, souhaite que ses enfants soient sous la même maison. Et nous, nous sommes comme des enfants qui ne parlons plus à notre frère, à notre sœur, à notre oncle. On se dit, ben oui, ça fait 20 ans que je ne lui parle plus, ça fait 100 ans, ça fait des siècles. C'est comme ça, on est séparés. Mais non, en fait, c'est scandaleux. C'est une vraie souffrance. Et notre indifférence, c'est... Il y a une conversion à demander, de nous guérir de cette indifférence et d'être vraiment sensible à à la blessure du cœur du Christ. Voilà. Oui. Et donc, c'est vraiment ça aussi que les montées nous donnent, c'est d'élargir notre cœur. Et c'est ce que j'ai éprouvé quand je suis montée, j'ai fait une montée pour la première fois en 2007, 2008. Tout d'abord, c'est accueillir le groupe avec lequel je partais en voyage, le groupe de Français, qui n'était pas toujours de la même église que moi ou de la même sensibilité, première chose. Puis tout à coup, on est élargi, on est avec un groupe international, donc de nouveaux visages à aimer. On va dans des lieux où on rencontre d'autres visages de chrétiens ou de croyants en Jésus. Et de nouveau, on est surpris par ce visage. Au départ, on n'est pas forcément enthousiaste. Mais quelque chose se passe. Dieu ouvre notre cœur, nous montre la beauté de telle église, nous renvoie aussi vers la beauté de notre propre église. Et on est touché. On élargit notre cœur pour aimer chaque nouveau visage que l'on rencontre. Et petit à petit, voilà, on est là en train d'accueillir un groupe, puis son autre groupe. Et à chaque fois, par les temps de prière, Dieu fait l'unité, en fait. Et il fait l'unité dans notre petit groupe. Ensuite, on élargit le groupe et fait l'unité dans le plus grand groupe. On élargit encore par une rencontre. Et on fait et on vit comme ça des conversions de cœur invisibles, mais très fortes. Ça fait tache d'huile un peu. Ouais. Et c'est vraiment dans ce groupe que j'ai éprouvé vraiment l'amour de Dieu, parce que effectivement, quand on prie pour l'unité et on crée des réunions de famille, c'est là où on sent le corps du Christ. Et c'est aussi un appel pour chacun, pour chaque église, de trouver sa place et de ne pas être jaloux de la place de l'autre, comme dans une famille. Et c'est vraiment ensemble, mais avec ses dons, avec sa façon de dire Dieu, d'aimer Dieu, mais ensemble, en regardant tous Dieu. Enfin, je veux dire, à la fin, on resplendit tous du Seigneur, parce qu'on est tous tournés vers lui. On rayonne, ça c'est lui que l'on rayonne à ce moment-là. Oui, c'est ça. Et là, on est tous frères et sœurs. Il y a plus de, la barrière, c'est vraiment, enfin, je veux dire, dans la communion, parce que c'est vraiment ça notre, je dirais, ce qui se vit dans les montées, c'est vraiment une spiritualité de la communion. Et c'est jamais sans mon frère, jamais sans ma sœur. C'est tous ensemble qu'on a envie de vivre une communion avec Dieu. Et c'est enfin, ces divisions sont scandaleuses. On devrait en prendre plus conscience et en même temps vivre ensemble dans la maison de Dieu, c'est une grâce fantastique. Alors justement, ce que disait Yves tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est ce qu'a bien compris ce juif au mur des Lamentations lorsqu'il a vu deux chrétiens ensemble, vraiment heureux d'être ensemble comme des frères, et qu'il a été étonné quand il a su qu'ils n'étaient pas de la même confession, qu'ils n'étaient pas de la même confession. Et là, il a dit, mais alors le Messie est proche. Oui, c'est ça. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu ça tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Et c'est bien sûr, c'est prophétique, dans le sens toutes les églises ne sont pas réunies. C'est des moments de grâce qu'on peut vivre ponctuellement. C'est des moments personnels. Je pense que c'est vraiment des conversions, la conversion de chacun. Chacun fait une rencontre personnelle avec le Christ et chacun fait on avance ensemble vers l'unité. Et ça me fait penser à cette phrase que j'ai entendue récemment. Tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. C'est beau. Tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc c'est vraiment ça. On est là, tous ensemble, on essaye de cheminer dans cette recherche de la volonté de Dieu. C'est ce qui fait en fait notre... et par rapport aux montées, ça veut dire aussi rire avec ceux qui rient, pleurer avec ceux qui pleurent. C'est vrai qu'on rencontre des situations difficiles de souffrance et d'incompréhension. Je pense à aussi bien les difficultés des chrétiens arabes je ne vais pas expliciter, ou les difficultés, par exemple, d'églises plus jeunes qui ont du mal à s'intégrer, ou de juifs messianiques qui sont ignorés de part et d'autre et pas reconnus. Et c'est vrai que, voilà, il y a aussi cette spiritualité un peu de... On a vraiment cette sensation de consolation. Très souvent, parce qu'on éprouve, on touche la souffrance de Dieu et de ses divisions. On touche aussi sa consolation, sa compassion. Et c'est... on vit aussi... Enfin, c'est évidemment des temps de louange, des temps de communion, mais c'est aussi des temps où... où on touche la souffrance des personnes et on entre en compassion. Et j'ai cette image, c'est comme une double couronne, où chaque église, chaque membre est un peu comme une pierre précieuse, unique, spéciale, qui s'insère dans cette couronne que porte le Christ. Et en même temps, c'est une double couronne, c'est aussi la couronne d'épines. Chacun a sa façon, a une façon très particulière de blesser Dieu. Et c'est une conversion pour que ces épines deviennent vraiment des roses et pas et arrêtent de faire souffrir Dieu pour ce qu'elles. C'est beau cette image, hein, la couronne à la fois des pierres précieuses mais aussi des épines. Qu'est-ce qui vous a... Est-ce qu'il y a des paroles, puisque dans les préparations, tout à l'heure Yves nous disait une parole qui l'avait marquée pour la préparation des années des montées 2015. Est-ce que dans ce que vous avez vécu, il y a eu des paroles qui vous ont marqué à un moment ou à un autre de la part du Seigneur? Enfin, ça ne vous revient peut-être pas là comme ça. Si on a cette... On a cette idée de la page blanche, dans le sens, quel que soit, le programme qu'on a prévu, attendons-nous à l'imprévu de Dieu. Alors, c'est un peu cette idée que vraiment chaque jour est remis au Seigneur. On a un programme, mais on est vraiment à l'écoute. Donc ça a toujours été quelque chose qui m'a touchée dans chaque montée, c'est cette façon de tout remettre et presque tout remettre en cause. Ce n'est pas toujours facile. Il faut vraiment s'adapter et se dire oui à Dieu. Oui. Et ça, c'est cette écoute, cette intercession, cette façon de vouloir suivre la volonté de Dieu, c'est la chose constante que je retrouve à chaque montée. Et puis, personnellement, une montée était sur la transformation. Au son de la trompette, vous serez transformé. Je me souviens que cette année-là, j'avais vraiment réalisé combien de choses avaient changé dans ma vie et combien Dieu faisait l'unité en moi. Parce que c'est vrai que quand on commence à prier pour l'unité du corps du Christ, forcément, Dieu nous appelle à faire l'unité en nous, dans notre vie. L'unité dans nos familles et tout autour de nous. On va être coupé. Est-ce que on reprend tout de suite ou vous restez en ligne? Je reste en ligne. Voilà, on se retrouve dans quelques instants. Radio Notre-Dame. Thank you. Juste dans la nuit, il est 23h. Radio Notre-Dame. Ce soir, nous sommes en compagnie de membres des Montées de Jérusalem. Et nous avons donc dans le studio Nicole Petrisenko et Yves Garaudeau. Au téléphone pour l'instant, Laetitia. Et puis, dans quelques instants, nous aurons François. Laetitia, on va écouter ensemble quelques mesures, en tout cas, de Céleste Jérusalem. Vous voulez bien ? Oui. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem. L'agneau deviendra notre flambeau. Nous nous passerons du soleil. Il n'y aura plus jamais de nuit. Dieu répandra sur nous sa lumière. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem. Vers cette céleste Jérusalem. Laetitia, vous êtes toujours là ? Oui. Oui. Alors, on va poursuivre ces montées avec vous aussi. Des témoignages. Alors, vous nous disiez combien l'importance de l'unité, hein, de cette unité intérieure, hein, que l'unité nécessaire, hein, qui se fait dans ces montées, hein, progressivement dans les rencontres, renvoie à une unité intérieure. Et indispensable. Oui, par souci de cohérence, petit à petit, on se sent vraiment appelé à faire l'unité dans notre vie. Je pense à une sœur qui s'est réconciliée avec son père. C'est vraiment cette idée de avant d'aller communier, avant d'aller à l'autel, c'est d'abord faire la paix avec son frère et revenir. Et cette petit à petit, c'est vrai que cette prière pour l'unité nous transforme nous aussi et nous donne envie de cohérence, d'unifier notre vie. Oui. C'est donc une spiritualité de l'unité, on peut dire, les Montées de Jérusalem. Et de la communion. Et de la communion. La communion. Oui. De communion et unité, ça va ensemble. Enfin, voilà, pour tout à fait. Hein, ça communion. Commune union, oui, c'est ça. Oui, alors, donc, cette importance de vivre progressivement, il y a une transformation qui s'opère à tous les niveaux, finalement, du plus intime au dans les relations, hein, les uns avec les autres, et à tous les niveaux. Et finalement, c'est ça l'important, c'est l'unité, et l'unité, la réconciliation dans nos vies, dans tous les secteurs, enfin, non ? Et puis, c'est ce que le Seigneur attend. Et puis aussi, l'amour de du prochain et un renvoi vers l'amour de son Église aussi. Mmh. Mieux connaître qui l'on est, quelle est sa vocation, quelle est la vocation de son Église spécifique pour pleinement vivre notre chemin de sainteté. Hein. Oui, oui. Et justement, c'est lorsqu'on rencontre d'autres églises, et là aussi, Nicole et puis Yves peuvent en témoigner, lorsqu'on rencontre d'autres églises, on est amené à, comment dire, à approfondir sa propre identité. Oui, oui. Oui, sa propre identité. Oui. Exactement. Je crois qu'il faut bien préciser que toutes ces démarches se font en restant dans nos églises respectives. Mmh. Il ne s'agit absolument pas de créer une église synthétique qu'on aurait en tête quelque part. Non, oui. Au contraire, et je crois que Laetitia souligne, elle fait tout à fait bien de souligner que ça nous renforce dans notre propre confession. Oui, identité. Et dans la mesure où, finalement, on se réjouit de ce qu'ont les autres, et on se réjouit de ce qu'on a. Mmh. Au fond, c'est une complémentarité dans les dons. Et c'est bien la complémentarité des dons que le Seigneur a mis dans la création tout entière. Mmh. On sort de tout sentiment de jalousie, de jalouser l'autre. Voilà. Il a donné à chacun des dons particuliers, voilà, pour qu'ils soient partagés en se réjouissant les uns des autres. Quoi. Laetitia ? Oui, c'est un peu comme la parabole du fils prodigue. Mm. Le fils revient à la maison, le frère aîné est jaloux, et pourtant il avait autant de cadeaux de son père. Mm. Non, ce n'est pas regarder l'autre église pour la convoiter, mais c'est pour s'en réjouir et nous-mêmes... se réapproprier chacun notre héritage et l'assumer. Convoiter ou rejeter, hein, ça va ensemble, c'est l'un ou l'autre. Mmh. Quand on rejette, lorsqu'on est séparé, on rejette. Oui. On convoite pas, oui, on ça. Rejette. Hein, mais on peut aussi rejeter en disant c'est pas ça, c'est pas comme chez nous. C'est les deux opposés, quoi. Oui. Se réjouir de la beauté de l'autre. Oui. C'est, oui. J'ai l'occasion d'aller chez les orthodoxes, par exemple, et bien je suis à l'aise chez les orthodoxes parce qu'il y a la beauté et puis je rentre facilement dans leur liturgie. Dans leur liturgie. Mmh. Mais ça n'empêche pas que je suis catholique. Un jour, le prêtre orthodoxe qui me voyait tellement souvent m'a dit « Nicole, vous devenez orthodoxe ?» Ah, j'ai dit non, pas question, les catholiques, c'est ma mère et je retourne chez moi, chez ma mère. Donc, et c'est le respect l'un de l'autre et... Je suis bien chez eux, je suis très bien chez moi. Mais c'est bien de partager comme cela. Ouais. Et finalement, c'est ça, c'est pas l'unité, ça n'est pas l'uniformité. Voilà. Hein, c'est ça. Ni le syncrétisme, ouais. Voilà. Ouais. Ouais. C'est de, justement, de laisser chaque pierre, hein, pour reprendre la couronne tout à l'heure de Laetitia, chaque pierre briller et au contraire, mettre l'autre en valeur, non ? Oui. Moi, j'ai une image tout à fait basique. C'est, imaginons une création où il n'y aurait que des roses rouges, par exemple. Oui. Eh bien, premier abord, on dirait « Oh, c'est magnifique, ces roses rouges ». Et après, on s'ennuierait très vite de voir que des roses rouges. Oui. La création est magnifique. Elle est à la gloire du Seigneur, d'ailleurs. Oui. Tellement belle dans sa diversité. Et on a la chance d'avoir des confessions différentes, à condition qu'elles se vivent dans l'amour des uns et des autres, avec des perles. Chacun a des perles à partager avec les autres. Oui, oui. Et est-ce qu'au fil du temps, puisque Laetitia, ça fait 2006, ça fait déjà 7, donc il y a au fil du temps, des années, comment cette vocation donc, des montées, comment voyez-vous l'évolution qu'inspire l'Esprit Saint, finalement, la croissance, la maturation qu'il opère. C'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre et qui opère tout cela au fil du temps. Et puis la connaissance plus profondes les uns des autres, d'année en année, comment cette évolution, le travail de l'Esprit-Saint dans le cours des montées, est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous le travaillez? Moi, personnellement, là, je vais parler personnellement parce que je ne peux pas parler pour tous. Hein. Ben oui. C'est juste mon sentiment. Vraiment, de plus en plus, on est dans la profondeur. Oui. On a creusé des puits. Oui, on parlait des puits. Et dans ces puits, une eau vive, patiente. Et ensuite, eh ben, il faut tirer l'eau et la partager. Donc, peut-être aussi rayonner plus cette communion. Annoncer les hauts. C'était le thème de la semaine de l'unité des chrétiens de cette année. Je pense que François va en parler. Oui. Et donc, ça peut être un chemin. Mais en fait, rien n'est écrit. Tout est libre dans les mains de Dieu. À recevoir. Tout est accueilli, recevoir. Et au jour le jour, enfin, sans programme préconçu. Oui, ni par puissance, ni par force. Petitement, les montées depuis 30 ans sont venues chaque année en Terre Sainte Palestine, Terre Sainte Israël, patiemment, comme une petite goutte d'eau qui est tombée au même endroit chaque année, inlassablement. C'est évidemment, ça fait pas de bruit. Oui. Mais petit à petit, ça croît. Oui. Ça croît. Tout ce qui est de Dieu, ça ne frappe pas le regard, ça. La croissance se fait sans que le regard le voit au premier abord. Hein. C'est comme le bon grain est livré, on ne voit rien au départ. Tout grandit ensemble. Et enfin, là, je ne parle pas de livré, mais toutes les communautés, enfin. L'Esprit Saint fait en sorte que la croissance se fait progressivement. On le voit que le résultat, on peut dire, les fruits ne se voient que plus tard. Mais on commence à en voir des fruits maintenant, puisqu'au bout de 30 ans. Mais en fait, c'est quand même une démarche qui ne peut être vécue que grâce à la prière et à la communion avec les frères et sœurs, parce que c'est quand même inhabituel dans le monde d'aujourd'hui de s'en remettre sans cesse à l'Esprit-Saint et d'accepter finalement que des choses qu'on a pu élaborer soient modifiées, voire complètement renversées, le programme est modifié profondément, etc. C'est une école de vie, d'accepter l'irruption du Seigneur dans notre vie. En fait, l'inattendu de Dieu, je crois que le pasteur Thomas Roberts l'a dit assez souvent. Je ne sais pas si c'est le moment de vous dire un petit peu, justement, à propos de cette maturation, ce qu'on a reçu, une prophétie aussi au cours de la montée 2015, à savoir, qui tourne toujours autour du puits d'ailleurs. L'eau du puits est une eau souterraine. Il a fallu creuser, mais de ma croix coule sur vous de l'eau et du sang, sans que vous ayez d'efforts à fournir. Les puits sont creusés. Vous avez ma parole. Mais ne les laissez pas s'ensabler et gardez-les afin qu'on ne les bouche pas avec des pierres. Pour le reste, confiez-vous en moi, l'eau, le sang et l'Esprit Saint coulent sur vous. C'est très encourageant. Ah, oui. Oui, là, on n'a pas besoin. Oui, ça se fait. Mais il a fallu creuser les puits, veiller à ce que le puits ne se... s'en sable pas à nouveau, être des veilleurs, hein, quelque voilà. part. Voilà, voilà, tout à fait, oui. Et pour que... on a d'ailleurs visité, au cours de la montée 2015, on a visité un puits à Beersheba, et c'était assez saisissant, ce puits très très très profond, qui allait donc chercher l'eau. Et je voudrais peut-être mentionner Nicole... Qui était associé au puits d'Abraham. Oui, au puits d'Abraham, je sais que remonte loin. Le puits du serment. Enfin, c'est... Apparemment le lieu, hein. Je ne pense pas que ce soit lui-même, mais c'était le puits des serments où on a situé le puits d'Abraham. D'accord. Et là, je voudrais juste mentionner très rapidement le fait que tu parlais tout à l'heure de Madeleine, qui est notre ancienne démontée. Mmh. Et j'ai trouvé ça remarquable. C'est une femme formidable. Et elle a témoigné devant nous qu'elle était venue à ce puits il y a 40 ans ou une quarantaine d'années. Comme ça, parce qu'elle allait déjà en Israël, elle était venue pour travailler à dégager ce puits. Il y a une quarantaine d'années. Et là, j'ai dit, Seigneur, vraiment, tu es d'une fidélité à toute épreuve. Oui. Bon, Madeleine est d'une fidélité à toute épreuve, oui, mais c'est magnifique, magnifique. Comme quoi, il avait préparé le terrain. Voilà, oui, tout à fait. De façon prophétique. Et cette fidélité, c'est aussi ce qui nous est reconnu pour les montées de Jérusalem, parce que les églises, quand elles nous voient, disent « Mais vraiment, vous êtes fidèles tous les ans. » On n'a pas manqué une seule, malgré les situations quelquefois très, très difficiles à Jérusalem. Mmh. Et chaque fois, nous sommes venus, et ça, c'est quelque chose qui marque beaucoup les églises. Donc, on creuse aussi l'amitié avec eux à travers la fidélité et l'amour que l'on témoigne à chacune d'aller les visiter. Alors, transformation à tous les niveaux, vous parliez de la vôtre, mais eux-mêmes, forcément, sont touchés. Il y a une transformation qui s'opère invisible. Mais... Je vois le sourire d'un moine syriaque, il est merveilleux et chaque fois il veut nous voir, il s'appelle le père Shimoun. Depuis 30 ans, il essaye de nous rencontrer absolument, si on ne va pas le visiter, il se rend à nos réunions, c'est magnifique. Je comprends, bah oui, on voit bien tout le travail qui se fait sur le terrain. Alors des choses... Mais effectivement, il y a sûrement aussi... Il y a un désir d'unité chez certains. Un désir, oui, c'est ça, une soif. Soif du puits. Et alors, quelles sont aussi, peut-être aujourd'hui, des problématiques? Parce que là, on voit les belles choses, mais il y a des problèmes encore à régler, sûrement, non? Je sais pas, Laetitia Non, c'est difficile. C'est pas des problèmes, je pense. C'est s'ajuster les uns aux autres. Ah oui, s'ajuster. Je me souviens... d'un enseignement très fort qu'on a vécu avec Mère Marthe au monastère de l'Emmanuel. Oui. Et on parlait de Marie, qui malheureusement peut être un signe de division entre protestants et catholiques. Oui. Et elle parlait de Marie comme un modèle filial. Et Marie comme modèle filial, on est tous d'accord. D'accord, Marie qui suit la parole de Dieu et on va dire que ensemble on progresse d'étape en étape. On se retrouve face à des difficultés, des tensions et avec Dieu, avec l'Esprit Saint, avec nos frères et nos sœurs, notre intelligence, la parole de Dieu, on éclaircit des lieux. La parole de Dieu tranche et c'est ça. Et donc fait la paix, l'unité. On ajuste, il faut s'ajuster. C'est une question. Ajuster en précisant, en trouvant là Marie qui peut être un signe de division. Quand on parle d'elle comme modèle filial, tout le monde est d'accord. Donc il faut trouver le justement. La justesse. La justesse, et la justesse, c'est justement, on parle de Saint Joseph, le juste, celui qui est ajusté à Dieu. Donc, en s'ajustant les uns aux autres, on s'ajuste mieux à Dieu aussi. Et donc, plus on ouvre nos cœurs à d'autres églises, plus on se confronte à d'autres difficultés, effectivement, d'autres ajustements à vivre. Et à chaque fois, on s'en remet, à chaque fois, ça peut être des thématiques qui nous traversent depuis 30 ans, c'est sûr, et d'autres qui émergent et qui repartent. Enfin, c'est vraiment... une sorte de dialogue quand même exactement. Possible. Dialogue dans l'amour et dans la prière. Donc finalement, le Seigneur nous aide, en particulier par des paroles qu'on peut avoir, ou bien par des passages bibliques qui tombent juste au bon moment quand on est en prière et qu'on se demande comment résoudre telle ou telle question. Alors, le grand problème, c'est la communion, n'est-ce pas ? Puisque nous ne pouvons pas, et nous ne poussons pas l'unité sur ce plan. Nous restons fidèles à nos églises dans le respect de ce qu'elles ont décidé. Oui, donc actuellement, nous ne pouvons pas communier. C'est donc cette souffrance qui est vraiment très très forte chez nous. Communier, ça dépend avec les orthodoxes, par exemple, mais non avec plus. D'autres. Oui, non, avec eux, non. Mais les protestants non plus, en principe. Mais avec des chrétiens d'Orient, oui, dans des églises, non ? Très peu, parce qu'ils sont orthodoxes. Ah oui, parce qu'il y a chrétiens catholiques et chrétiens orthodoxes. Oui. Alors, on a quelquefois la chance de se trouver dans une église où on peut communier. À ce moment-là, on en profite. Enfin, c'est peut-être encore une souffrance. On se joint à l'église, oui. Mais la plupart du temps, c'est une grande souffrance de ne pas pouvoir communier. Alors, le respect de nos églises. Alors, on peut dire que, justement, c'était peut-être un souhait, ce souhait, hein, qu'on peut pouvoir poursuivre, aller plus loin dans la réconciliation jusqu'à la communion, mais la communion partagée sur ce plan, le plan eucharistique aussi. En tout cas, merci Laetitia. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir Laetitia. Au revoir Laetitia. Au revoir. Merci. Merci, on va écouter, cette fois-ci c'est Shalom Alechaim. Alechaim. Radio Notre-Dame. c'était ce Shalom Alarem, le chant des anges de la paix en hébreu. Chant des anges de la paix en hébreu, voilà. Shalom Alarem. Alors Jacqueline, qui vient d'appeler, nous dit que depuis les origines, elle fait partie des montées de Jérusalem et qu'elle vibre à tout ce qu'elle entend ce soir. Elle est fondamentalement unité. Alors, je crois que... Est-ce que vous la connaissez ? On lui dit bonjour. Oui, bonjour Jacqueline. On est content que tu nous écoutes et on pense bien à toi. Voilà, Jacqueline, elle est avec nous. Elle fait partie des montées. On va poursuivre peut-être, parce que le temps passe. On va prendre François, qui est au bout du fil dans quelques instants. Mais Yves Garraudeau, vous pourriez peut-être donner le quatrième point important. L'union de prière, enfin des intentions de prière permanente de l'union de prière de Charmes. Donc il s'agit du second avènement du Seigneur Jésus. Et donc, rapidement, la prière pour l'unité de l'Église et l'illumination du peuple juif sont regardés par l'union de prière comme la préparation de la parousie. La parousie signifiant le retour du Christ. Donc, la question du peuple juif ne peut absolument pas être ignorée. Elle fait partie du plan de Dieu dans le plan de retour du Christ. Et donc là... Alors justement, est-ce que les juifs messianiques, ceux qui sont croyants en Jésus, est-ce qu'ils ne sont pas quelque part, qu'ils ne sont pas encore reconnus ni d'un côté ni de l'autre, enfin vraiment, ou trouver leur place, est-ce qu'ils ne peuvent pas être aussi, eux, un pont quelque part, en tout cas comprendre à la fois le mystère d'Israël et comprendre le mystère de l'Église, puisqu'ils ont fait une expérience particulière? Oui, absolument. Dans la mesure où, effectivement, ils sont... croyant en Jésus par une illumination qu'ils ont vécue, c'est-à-dire vraiment quelque chose, une rencontre avec le Seigneur, Jésus-Christ. Et voilà. Simplement en lisant les textes de l'Ancien Testament, Jésus est déjà annoncé, et donc ils connaissent les Écritures. C'est ça. Cette illumination est venue en lisant les Écritures. C'est-à-dire que quand ils reçoivent le message et c'est confirmé par la lecture des Écritures, ils découvrent justement que Jésus était déjà annoncé. Mais un peu comme les pèlerins d'Emmaüs. Voilà, oui, c'est ça. Notre cœur n'était pas tout brûlant quand il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures. C'est ça. Et donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, oui, Jésus a fait ça. C'est ce qu'il a, il a expliqué les Écritures. Oui. Et eux ont... Découvrir Jésus à travers les Écritures. Donc c'est ça. Ouais. Oui. Donc quelque part des pèlerins d'Emmaüs. C'est... Exactement. Et c'est juif messianique. Nombre d'entre eux témoignent du fait que c'est un hasard avec un grand D, comme dirait le frère Robert de l'abbaye du Bec-et-Loin, qu'ils ont eu en main une Bible que nous dirions complète avec le Nouveau Testament, qui n'ont pas toujours voulu le lire d'ailleurs, mais voilà, ils l'ont lu et tout d'un coup, ils ont dit, mais voilà, c'est bien lui, le Messie. C'est ça qu'on veut dire quand on parle d'illumination. Ah oui. Et donc, ces communautés... Mais comme les pèlerins d'Emmaüs, eh bien oui, c'est ça. Tout d'un coup, ils ont l'illumination. Voilà. À la fraction du pain, la fraction de... mais à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrent et ils comprennent que ce voyageur en chemin qui leur expliquait les Écritures, ben oui, c'était lui. Voilà, tout à fait. Oui. Et donc, c'est l'année 2015, la montée 2015 a été marquée en particulier par la visite de plusieurs communautés juives de croyants en Jésus, en particulier la communauté Revive Israel. Et pour ceux qui sont intéressés, je les encourage à regarder sur le site internet Revive Israel, puisqu'il y a des messages intéressants. Et c'est pas tout à fait ce qu'on est en train de dire. Cependant, cette communauté-là, par la voix de Asher, qui est le pasteur Asher Intrater de cette communauté, nous avons vécu un moment très, très important sur le plan de la prière. On a été accueillis ce matin-là par des chants magnifiques et par un enseignement de Asher Intrater qui nous a dit une chose intéressante et je pense que je vais vous livrer rapidement parce que les choses se sont presque inversées. On pourrait croire que quand nous allons là-bas, nous allons pour prier pour un peuple qui est en difficulté, etc. Et enfin, moi, personnellement, j'ai eu la surprise et une sorte de joie intérieure de constater qu'ils avaient, eux aussi, le sentiment qu'il fallait prier pour nous, Et je vous dis rapidement, Asher a donc partagé une vision qu'il recevait de la part du Seigneur. Il voit une rivière composée de différentes branches passant au travers des trois pays francophones, France, Belgique, Suisse, Romande, et coulant vers l'Afrique du Nord. Dans ces pays, tous ceux qui entrent dans le même fleuve, le fleuve de l'esprit de vie, se baignent, sont purifiés et gardent leur couleur, c'est-à-dire leur identité. Ils sont dans l'unité, car ils sont dans le même fleuve, celui de l'Esprit Saint. En tant qu'Église de Jésus-Christ, il nous avertit que l'un des dons de la francophonie est cette capacité d'accueillir et d'intégrer d'autres cultures. Mais il nous met en garde de veiller à ne pas intégrer des choses incompatibles avec la parole de Dieu, de ne pas nous prostituer. Il nous exhorte à vivre la vie de l'épouse. C'est très fort, hein, comme... C'est très, très, très fort. Alors, on va... Merci. Je pense que c'est voilà ce que vous venez nous ajouter. Merci Yves Garoudou, merci Nicole. On va écouter François qui est en ligne. François, depuis Bayonne, je crois. Bonsoir. Oui. Bonsoir Chantal. Alors François, vous-même, quand avez-vous rejoint les montées? Comment les avez-vous connus, hein? Comment voilà, c'est ça. Ben, je les ai connus de la façon la plus simple puisque j'étais à l'origine de la fondation des montées. Ah bah oui, alors là, oui, vous n'avez pas pris en cours de route. Non, vous étiez à l'origine des montées. J'ai eu cette chance-là. Alors, donc, Nicole nous parlait tout à l'heure, hein, vous étiez à Strasbourg? Oui, j'étais à Strasbourg avec mon épouse, oui. Oui, donc 1982. Exactement. Et donc, c'était ce grand moment qui était le point de départ. Exactement, quand le pasteur Thomas Roberts a appelé que tous ceux qui voulaient travailler à l'unité du corps du Christ se lèvent. Et je me suis levé comme si j'avais un ressort sous les fesses. Ah oui. Oui, oui, voilà. Spontanément. C'est ça, et depuis, ben, je suis les montées de Jérusalem. Je ne les ai pas toutes faites. Hein. Loin de là. Mais oui. Mais je les suis de très très près. Alors, mais avant d'arriver, parce que là, vous étiez... Donc tout de suite, vous avez travaillé à cette unité, vous avez eu ce désir, mais les autres, enfin, il fallait quand même que vous soyez déjà motivé pour aller à Strasbourg. Oui. Ah bah oui, parce que c'était le premier pas. Donc qu'est-ce qui vous motivait pour aller à ce grand rassemblement de Strasbourg? Ce rassemblement était déjà œcuménique. Oui. Et personnellement, j'ai une fibre œcuménique depuis que je me suis converti. Et donc, ma femme et moi, nous avons été intéressés pour aller là-bas et nous ne sommes pas revenus déçus, au contraire. Voilà. Donc voilà, c'était cet aspect œcuménique et charismatique aussi. Hein, en même temps, oui. Moi, je suis tombé dans le charismatique sans l'avoir cherché ni voulu. Je l'ai rencontré... comme disait Yves, par hasard avec un grand D à la fin. Donc voilà, le Seigneur m'a mis là-dedans, nous a mis là-dedans et nous avons grandi à travers cette expérience du renouveau charismatique. Qui est finalement un renouveau dans l'esprit. Hein, donc, tout à fait. Et qui est l'esprit des montées de Jérusalem, puisque c'est écouter la parole de Dieu, la direction qu'il veut faire prendre pour cette année particulière. Lors des montées, Et donc vous en avez vécu... Suivre sa volonté. Suivre sa volonté. Faire tout pour. Pour faire sa volonté. Se mettre écoute. Vous revenez, parce qu'il y a eu... Nicole aussi revenait de Jérusalem, et vous aussi, parce qu'au moment de, je crois, de la semaine de l'unité, hein, décalé peut-être. Nous venons de passer ensemble et à une petite équipe, nous étions 9. D'accord, Pour la semaine de prière de l'unité, nous sommes restés après 8 jours de plus pour rencontrer les frères et les sœurs que nous avons l'habitude maintenant avec lesquels nous avons noué des liens d'amitié. Alors comment, oui ? Des liens fraternels, oui. Que ce soit des Arabes chrétiens ou des Juifs messianiques ou tout simplement des responsables des églises historiques. Mmh. Oui, depuis 30 ans, hein, il y a des liens qui sont... qui ben se oui. sont noués et consolidés, on peut dire. Tout à fait. C'est vraiment une amitié. Alors, par exemple, dites-nous, c'est tout récent, vous, l'un comme l'autre, vous revenez de Jérusalem, des choses que vous avez vécues là, oui. Dans cette semaine de l'unité, là, toute récente. Alors, tout d'abord, il faut savoir pourquoi la semaine de prière pour l'unité chrétienne à Jérusalem se situe après celle des autres pays du monde entier, savoir... Elle se passe toujours à partir du 25 janvier. C'est-à-dire quand finit Quand on finit. Oui. En Europe ou aux États-Unis ou ailleurs. Oui. Elle commence à Jérusalem. Pourquoi ? Tout simplement parce que les fêtes de Noël chez les Arméniens orthodoxes se terminent en général le 19 janvier. Donc, oui, d'accord. Oui. L'unité, la semaine de prière ne peut pas se faire étant donné que les fêtes ne sont pas encore terminées pour certaines églises. D'accord. Voilà. Donc on décale un peu et on commence à la conversion de saint Paul. Voilà, exactement. Ouais. On commence à la conversion de saint Paul. Ouais, et donc, ça se passe tous les soirs de la semaine, à 5 heures du soir, il y a une prière qui se fait dans une église historique, je dis bien historique. Mmh. Alors le premier soir, c'est toujours au Saint-Sépulcre avec les orthodoxes. Alors chaque église y va de sa prière... Sans avoir, je dirais, préparé quelque chose avec les autres. Hein. D'accord, oui. Voilà. Et ça, c'est pour ma part, c'est un petit peu regrettable, parce que chacun y va de sa liturgie. Ah oui. Et de son... Bon, ils suivent les textes, si vous voulez, qui ont été préparés pour la semaine de prière, ou les paroles. Mais chacun y va de sa liturgie. Oui. Qui sont les mêmes, parce que c'est quand même toute l'église. Non, mais le thème est le même. Ah, le thème est le même, oui. Hein oui. On peut rappeler le thème cette année. Appeler à proclamer les hauts faits du Seigneur, un Pierre. Mmh. Oui, oui. Mmh. Voilà. Alors, oui, donc chacun y va un peu d'une façon... Personnel, donc n'écoutant pas l'Esprit Saint, quelque part, non ? Ah, on ne sait pas. On ne sait pas, mais... Enfin, je ne peux pas le dire. Non, mais je pense que... chacun joue sa musique, en tout cas. Chacun sa musique, voilà. Voilà. Hein. Chacun joue sa musique, et les autres viennent, les responsables des autres églises, et viennent participer à cette célébration qui se passe. Alors, le samedi, c'est au Saint-Sépulcre, ensuite... C'est chez les Anglicans, ensuite chez les Thériens, ensuite chez les Latins, ensuite chez les au Cénacle, ensuite chez les Syriaques orthodoxes, et ça finit toujours chez les Melkites. Ah d'accord. Voilà, il y a toujours tradition. Une espèce de tradition qui se fait. Et alors il y a une chose aussi qui est regrettable, c'est que les chrétiens arabes locaux sont très peu présents dans ces célébrations, excepté dans l'église Melkite. D'accord, oui. Voilà. Et alors, vous avez beaucoup de monde, mais ce sont des gens des nations qui habitent en Jérusalem ou qui viennent exprès pour, comme nous. Mmh. Oui. Et puis, vous avez les responsables des différentes églises. Mais cette année, il y avait un grand absent parmi la semaine, c'était l'église orthodoxe. On ne l'a pas vu, une fois. Voilà. Bon. Là, il y a encore du chemin à faire. Hein. Oh là là. Alors, écoutez, on va écouter tout de suite. C'est un chant de Thésée, je crois d'ailleurs. Au toi, justement, l'au-delà de tout. Hein, ah, c'est oui. celui qui fera l'unité, qui fait l'unité, celui qui est au-delà de tout. Bien sûr. Radio Notre-Dame. Yeah. Au-delà de tout. François, est-ce que vous avez encore des choses à nous dire? On a encore beaucoup de choses, hein, notamment un témoignage que doit nous donner Nicole, important. Et puis aussi, cette rencontre du mois de mars à Versailles. Oui. Et vous-même, est-ce que vous avez quelque chose qui est marquant, que vous avez envie de nous dire, là, juste avant de nous quitter? Oui, ce que je peux dire, c'est que après la semaine de prière pour l'unité, nous avons donc visité des communautés, dont une communauté messianique dont a parlé Yves tout à l'heure, la communauté Revive Israël. Oui. Nous sommes allés 3 matins de suite. Cette communauté loue le Seigneur tous les matins pendant 2 heures. Mmh. Tous les jours de l'année. 2 heures. Voilà. Et on leur a demandé de prier pour nous. Oui. Quand ils ont prié pour nous, ils nous ont dit: eh bien, vous êtes nos ambassadeurs vis-à-vis des églises historiques. Ah. Et vous êtes appelés à faire, justement, à nous faire reconnaître auprès des églises historiques qui aujourd'hui ne nous reconnaissent pas. Alors, oui. Ça a déjà commencé dans la mesure où nous avons une communauté messianique que nous avons introduite auprès de certains responsables d'église, notamment du responsable de l'église Melkite, l'évêque. Oui, l'évêque de l'église Melkite, et qui aujourd'hui est en lien assez étroit, je dirais, avec cette communauté messianique. Mmh. Et pour nous, c'est une raison de vraiment de rendre gloire à Dieu pour ce fruit qui est merveilleux à voir, quoi. Mmh. Voilà, si vous voulez. Et on s'est posé la question pendant plusieurs années de savoir si on ne devait pas arrêter parce qu'on ne voyait plus très très bien le chemin que l'on avait à prendre. Oui. Eh bien, nous avons d'un côté réhabilité les juifs messianiques, donc notre frère aîné vis-à-vis des églises historiques, et nous avons aussi également à leur faire prendre la main des arabes chrétiens, ce qui n'est pas évident du tout. Ah, d'accord. Ils n'ont pas du tout les mêmes notions de la terre et ils sont plutôt en conflit plus que d'être aujourd'hui des frères. Et là, nous avons réussi, grâce à un petit peu aussi avec la communauté New Life, de mettre des juifs messianiques en lien avec des arabes chrétiens. Et c'est une très, très, très grande joie qui nous encourage à continuer. Merci, un grand merci. Un beau fruit de cette année. Oui, je crois que justement, vous me disiez, Nicole, qu'une rencontre entre cette arabe chrétienne et puis ce que vous avez emmené. Une juive messianique nous avons emmenée, oui. Et qui a témoigné. Et cette arabe chrétienne qui a participé à l'entrée en Shabbat dans une communauté juive messianique. Voilà, donc voilà un rapprochement qui s'est fait. Voilà. Voilà. Merci François. Merci à vous, bonsoir. Bonsoir François. Alors ce témoignage très beau que vous avez à nous donner là, Nicole, parce qu'il s'est passé. Donc vous étiez là aussi, Yves, dans cette rencontre-là de... Notre ami franciscain nous avait donc concocté une belle réunion chez les luthériens. Mais on avait quelques réticences à y aller. Mais bon, Il y avait là donc des Arabes, des Juifs aussi, des Juifs messianiques, et des responsables et des prêtres et des fidèles. Je sais pas, il y avait une douzaine de responsables d'église qui étaient représentés, dont je peux pas vous donner toute la liste. Non, parce que là, il faut le temps avance. Là, et alors donc, après la bénédiction finale, un enfant de 10 ans a demandé à prendre la parole. Cet enfant est aveugle. Il est irakien et ses parents habitent Australie, à Melbourne. Et il a voulu nous parler. Et voilà le texte qu'il nous a lu. « Mon nom est Emmanuel, le nom de Jésus-Christ. Je suis de Melbourne, de la province de Victoria, en Australie. Dieu connaît le temps qui est parfait pour faire quelque chose pour vous. Vous pouvez avoir un projet, mais vous savez que le projet de Dieu est meilleur que le vôtre. Vous pouvez projeter ce que vous allez faire le jour suivant, mais quelque chose se passe et vous ne le faites pas, ce qui est bien, car Dieu veut que vous fassiez autre chose. Vous pourriez être en colère contre Dieu pour ce qu'il a permis d'arriver. Cependant, vous savez que le fait de n'avoir pas accompli votre projet est mieux que si vous l'aviez réalisé. Je ne peux pas voir, mais cela ne me pose pas problème, car vous voyez avec votre cœur, par votre foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et non avec vos yeux. Je lui demande de toute ma foi et de tout mon cœur d'ouvrir mes yeux. Cela ne s'est pas produit. Cependant, j'ai foi en mon vœu. Si mes yeux s'ouvrent, je remercierai le Seigneur. Sinon, cela ne me fera pas problème, car je sais que Jésus sera avec moi à chaque pas de ma vie. Et je saurai que c'est le meilleur pour moi, puisque c'est la volonté de Dieu. Ainsi, ne soyez jamais en colère contre Dieu s'il ne fait pas ce que vous voulez. Je vous remercie une fois encore, et s'il vous plaît, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Dieu vous bénisse. Mmh. Et une amie nous dit, comme toute l'assemblée, j'ai été bouleversée d'entendre le message de cet enfant inspiré par l'Esprit Saint. Et c'est alors que notre frère dominicain, Gilles, s'est approché de lui et a prié pour sa guérison, suivi de toutes les autorités religieuses présentes. Et voilà l'inattendu de Thomas Robert. C'était magnifique, magnifique. En tout cas, merci de ce témoignage étonnant. Étonnant d'un enfant de 10 ans. Oui. Là, il y a encore une chose importante à dire. Il y a donc les Montées de Jérusalem organisent une rencontre le 12 et 13 mars à Versailles sur le thème la vocation spirituelle. On en parle, ce que vous évoquiez, Yves, tout à l'heure, la vocation spirituelle d'Israël dans le plan du salut. Chrétiens, où en sommes-nous aujourd'hui avec ce mystère ? Et l'enseignement sera donné par le frère Moïse Ballard de la communauté des Béatitudes, qui est l'auteur d'un livre « L'enjeu spirituel du mystère d'Israël », édition des Béatitudes. Alors, il faut s'inscrire très rapidement, si vous êtes intéressé par cette question, parce que les dernières inscriptions, c'est le 19 février, donc vous voyez, il n'y a plus beaucoup de temps. Alors, le téléphone 06 31 10... 53 55 06 31 10 53 55 et puis alors le mail alors c'est montéjérusalem2013@gmail.com alors tout attaché et monté T E E S Jérusalem 2013. Donc voilà, tous les renseignements seront au standard demain dans la journée, donc si vous n'avez pas pu noter, hein, donc 06 31 10 53 55 et montez Jérusalem tout attaché, montez au pluriel, sans accent. Actuellement, il n'y a plus d'hébergement. Il n'y a plus d'hébergement, non, mais enfin bon, les gens... On peut encore s'inscrire. Oui. On peut encore s'inscrire, voilà. C'est près de la gare du RER C, Porchefontaine, pour les renseignements pratiques. Et donc, c'est donc le week-end du 12-13 mars à Versailles, chez les sœurs du Sacré-Cœur, je crois. Oui. Enfin bon, de toute façon, on vous dira où c'est. Si vous êtes intéressé, vous téléphonez au 06 31 10 53 55. Sœurs servantes du Sacré-Cœur. Servantes du Sacré-Cœur, voilà. Et donc la vocation spirituelle d'Israël dans le plan du salut chrétien. Où en sommes-nous aujourd'hui avec ce mystère? Vous nous évoquiez au cours de cette rencontre aujourd'hui combien c'est important. Puisque le retour, le Messie, enfin attendu, ou le retour du Christ, c'est attend voilà. Que cette communion se fasse, soit faite dans les cœurs, dans accueillir le mystère l'un de l'autre. Hein. Ce sont deux mystères. Le mystère d'Israël, c'est un mystère. Le mystère de l'Église, c'est un mystère. Absolument. Et accueillir les uns et les autres ce mystère, hein, ce double mystère. Voilà. Qui nous dépasse de toute façon, mais avec Dieu, Dieu est plus grand que nous. Hein. Ça, c'est évident. Donc, ne soyons pas étonnés que nous ne comprenions pas tout. Voilà, il est au-delà de tout. C'est tout à fait l'au-delà de tout. Oui. Peut-être juste une petite précision. Oui. Ça n'est pas une succession d'enseignements. C'est comprendre et prier. Donc, comprendre, on a des moments d'accueil, louange, etc. Oui. Des moments d'atelier, de partage en groupe. Et des enseignements du frère Moïse Ballard, qui a écrit un livre passionnant d'ailleurs, qu'on vous recommande chaleureusement, aux éditions Les Béatitudes. Il est probable qu'on le reçoive, il est vers Perpignan, donc c'est une question aussi de date. Voilà. C'est les montées vers Paris, là, c'est autre chose pour le recevoir. Donc c'est à la fois un temps d'enseignement, mais aussi de prière et de partage. Oui. Parce que la prière, on a bien compris combien elle est importante, de toute façon, toujours. Mais là, démonter aussi combien c'est porté dans la prière. Hein, c'est ça, c'est le pilier, hein, la prière. Un grand, grand merci, Nicole Petrisenko, merci Yves Garaudeau. C'est également à Laetitia qui était au téléphone, ainsi qu'à François au téléphone aussi. Merci de leur témoignage. Voilà, cette émission est disponible sur CD et en podcast. Et on remercie également Arlette qui était au standard ce soir et Paul qui était à la technique. Demain à 22h, écoute dans la nuit, ce sera une soirée prière, louange, intercession, témoignage du troisième jeudi du mois avec Daniel et Alain Noël, fondateurs de la fraternité Sainte-Croix à Étampes, diocèse d'Évry-Corbeil-Essonne et du site monastèreinvisible.com. L'axe de la soirée: prions pour les malades, puisque c'est la fête de Bernadette, et c'est une semaine après la fête Notre-Dame de Lourdes, qui est aussi la journée de prière pour les malades. Donc l'axe de la soirée sera la prière pour les malades. Venez à moi, vous tous qui peinez. Très très bonne nuit à tous, à demain. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.